les yeux rougis à force de trop fixer le ciel. La peau tannée, les joues brûlées par le soleil, traversant les déserts, franchissant les vallons, poussés par ton esprit, nous avançons. Nous suivons cette étoile à l'étrange clarté qui nous montre la voie pour aller adorer l'enfant de la promesse, le fruit du Tout-Puissant, le Rédempteur du monde, le Fils du Dieu vivant. Comme un feu de broussailles s'est transmise la nouvelle, annonçant la naissance du Messie d'Israël. Fort de cette assurance et brûlant d'impatience, nous nous sommes mis en route remplis d'espérance. Nous venons maintenant confiant par la foi, déposer nos offrandes aux pieds de l'enfant roi. Que son nom soit béni au milieu des nations, que son règne s'installe et sa domination. Élevons son saint nom et chantons sa louange. Célébrons son éclat, fêtons avec les anges le don précieux pour nous et pour la terre entière que dans son grand amour Dieu consent à nous faire. Oui, glorifions le Père et couronnons l'enfant qu'il a établi roi pour l'honneur de son nom. Pour lui, depuis l'Orient, nous portons en présent, en un signe sacré, la myrlore et l'encens. Et j'y sens les genoux devant lui aujourd'hui. Nous voulons l'établir souverain sur nos vies. Nous sommes dit de n'avoir que l'Esprit du Seigneur. Et quand nous, il choisit de fonder sa demeure. Venons maintenant offrir au roi des rois la louange de nos cœurs avec des cris de joie. Que son nom soit béni au milieu des nations, que son règne s'installe et sa domination. Nous venons maintenant confiant par la foi, déposer nos offrandes aux pieds de l'enfant roi. Que son nom soit béni au milieu des nations, que son règne s'installe et sa domination.